Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter. Mada yanqimoun min al-Sheikh Yahya al-Hadouri. Aïe, la traduction, que reproche-t-il à Sheikh Yahya al-Hadouri? Waffaq Allah al-Jami'a. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala al-tawfiq wa al-sadat. Wa al-qasd, c'est le défaut anil haq. Al-qasd, c'est pas de taqlid, abadan. Si le Sheikh s'est trompé, il s'est trompé. Et on dira, il s'est trompé. On est venu dans ce maqam pour apprendre l'ilm. On n'est pas venu dans ce maqam pour suivre Fulan ou Allah. Un cours donné par le frère Mounir al-Maghribi, hafidahullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat Bidammaj au Yémen. Cours numéro 4. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقد نعم انتهينا في الدرس السابق من بيان ما يرمون به هؤلاء شيخنا يحيى أعزه الله ووفقه لكل خير من الطعونات في الصحابة المزعومة ومن المعلومة المشهور أن الشيخ حفظه الله الشيخ يحيى فقد أوذي من أجل تمسكه بالسنة ودفاعه عن الصحابة الكرام أذى شديدا وما قضية الروافض عنكم ببعيد ثم يأتي بعض الناس فيرمونه بالطعن في هؤلاء أي الطعن في الصحابة الكرام رضي الله عنهم وهذا لا يضره أبدا لأن العبرة بعقيدة الشخص وأعماله لا بالإرجافات و الاتهامات الباطلة فهذا آخر ما أخذنا وفي المقابل بعض الناس يزون بالا لزفق الشيخ في هذا أي الدفاع عن السنة والدفاع عن الصحابة كساسوا بغبغة ورافضة أو أطر بل بعض الناس يزون يوان ضعف كبير أمام الرافضة Alors que c'est une mas'ala, harb al-rafidah, c'est une mas'ala d'aqidah. Et parmi les choses qu'on reproche à al-rafidah, et on les déteste fillah, et c'est des kuffars, ils sont sortis de l'islam, ils insultent les sahaba, et ils insultent Aisha radiyallahu anha. Hum, al-rafidah, une des choses qu'ils reprochent à al-shaykh, c'est ça. C'est de leur répondre, de leur tenir tête. Et tu trouves, Bardanas, ils ont une faiblesse. Ah oui, ils se taisent. Bel Bardahoum, ils ont été clairs. Un rafida pour eux, c'est pas des kuffars. Et tu trouves, là, on n'entend pas. Haoula, Mithl Arafat, qui prétend défendre l'honneur de Sahaba, on n'a pas entendu une kalima. Et tu n'entendras pas de kalima. Illa ayyasha Allah. Il guide Haoula. Amma fait cheikh des choses qu'on a vues, qu'on a étudiées. Imma kalam, il est coupé. Imma mensonge. Imma, c'est pas son kalam. Il a oublié qu'à Qadiyat al-Aqra ibn Habis, radiyallahu anhu. Et tu trouves, بهذا الحال يوجهون المدافع على الشيخ وعلى داره. Ça montre une fois de plus, Adam, ou Qillat al-Insaf. Ça montre à Ada, Anaha, Oula, ils sont pas justes. Tu serais juste celui qui insulte le sahaba ou qui touche à leur honneur, qui qu'il soit, tarud alayhi. Lakin hum, ça montre qu'annahum, leurs efforts ils sont fi shaykh Yahya hafidhahullah, li annahum, ils ont des intentions, rubbama de la jalousie. Fa nasallah subhanahu wa ta'ala, al-afu wa al-afiyya. Wal yawm, nabda bi mas'ala jadida wa hiya مسألة أهل السنة أقرب الطوائف إلى الحق قال عرفات قال الحجوري وهذا الرجل ça c'est كلام شيخ يحيى que عرفات il a rapporté وهذا الرجل يقول أننا نقول إن أقرب الطوائف إلى الحق أي أهل السنة هذا ما هو قولنا فقط هذا قول شيخنا أي مقبل وهو مذكور ومشهور عنه يعرفه طلبته الأجلاء ليس من أمثالك أيها الساقط عرفات il a rapporté cette parole de الشيخ والشاهد هنا أن أقرب الطوائف إلى الحق هي أهل السنة قد يقول قائل ما وجه الانتقاد الانتقاد عند هؤلاء أن السيتودي أهل السنة سأقرب الطوائف إلى الحق أي أهل السنة c'est les gens les plus proches de la vérité عند هؤلاء si tu dis ce كلام ça implique qu'ils sont pas sur la vérité ils sont proches فقط أهل السنة أقرب الطوائف إلى الحق الآن عرفات إلى غبورتي إلى سيتي لا parole de الشيخ أن أهل السنة أقرب الطوائف إلى الحق et il a conclu أن الشيخ يدي كأهل السنة c'est pas les gens de la vérité ils sont proches فقط ربما il y a un autre groupe c'est eux la vérité لكن الكذاب son habitude أنه يكوب le كلام الشيخ يحيى وفقه الله on cite le كلام entier قال الذي اعتقده ان اهل السنه هم اهل الحق الشيخ يحيى a commencé son كلام par هذا il a montré ان اهل السنه c'est eux اهل الحق قال الشيخ واستدل بقوله الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ça montre ان القران والسنه c'est حق et ceux qui suivent القران والسنه c'est اهل الحق وقال الشيخ استدل كذلك بقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال نعم أي سوفيرسي موتر أن هناك حق وهناك ضلال فريق في الجنة فريق في السعير يا لا فيغيتي اي يا لو كونترير دو لا فيغيتي الشيخ يديمونتر الآن أن أهل السنة سي الحق اي تو سو كي كونتروديز أهل السنة لا فوا دو أهل السنة اي سون على باطل اي سون دون لو فو اي سا ديبوندرا دو لو ريغارمون الأشاعرة يسوا على باطل الجهمية يسوا على باطل الرافضة يسوا على باطل سي با لو ميم ايغارمون الأشاعرة دي مسلمون الروافض دي كفار الجهمية كذلك قال الشيخ واستدل كذلك بحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق توصل الآن سو كذاب إلا باسيتي لأن سو كلام Il montre très bien Al-Nashir, il dit Al-Sunnah, c'est eux, Al-Haq. Al-Nashir, il se prétend et il fait partie, Walillahi l'Hamd, de Al-Sunnah. Enfin, Al-Nashir, il ne va pas s'apparenter à une chose qui est batil. Hatta Al-Batil, ils essayent de dire qu'ils sont min Al-Sunnah. Il y en a la personne, il aime s'apparenter à Al-Haq, même s'il est à la batil. Ajaban li hadha al-rajul. قال الشيخ فهم أهل الحق ثم إلى سيتي يعني هذا الكلام الآن تبين من هذا أن عرفات هو إلى مقصود يفو مونتخي أن الشيخ حفظه الله يقول أن أهل السنة سيبا أهل الحق فإلى بخي une partie du كلام et il a délaissé le reste نحن الآن on a lu le début c'est واضح الذي يعتقد أن أهل السنة هم أهل الحق قد يقول قائل mais il reste le كلام il reste le كلام أن الشيخ قال نقول إن أقرب الطوائف إلى الحق ça c'est un أسلوب من أساليب العرب celui qui connaît la langue arabe il connaît مثل هذا الكلام ça c'est une formulation de phrase que tu dis en langue arabe Ça ne veut pas dire, tu dis maintenant, moi je dis, As-salaviyyun, ahl al-sunnah, c'est aqrab al-nas ila al-haq. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sur le haq. Ça ne veut pas dire ça là. Lakin on montre que c'est aqrab al-nas ila al-haq. Et c'est eux le haq. Et les autres, ils ne sont pas sur le haq. Ta'ammal, ma'i, qawl Allah, azza wa jal, wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. الآن on a choisi ce verset لأن il y a le même فعل أقرب من أفعال التفضيل أقرب tu traduis par le plus proche أو c'est plus près الآن قول الله عز وجل وأن تعفو أقرب للتقوى si on se pose la question est-ce que العفو ça fait partie de التقوى نعم قال عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف خذ العفو العفو c'est que la personne il pardonne لا شك c'est العبادة celui qui pardonne pour Allah سبحانه وتعالى فالآن قال عز وجل وأن تعفو أقرب للتقوى est-ce que quelqu'un va oser dire العفو ça fait pas partie du taqwa alors que Allah قال وأن تعفو أقرب للتقوى فالآن إذا الانتقاد si on dit أهل السنة c'est أقرب الطوائف إلى الحق ça veut pas dire qu'ils font pas partie de أهل الحق أبدا أبدا Et ça ne veut pas dire qu'il y a un groupe qui mérite le haq plus que Ahl al-Sunnah. Abadan. Qala al-allama al-imam al-Shanqiti rahimahullah fi adwa' al-bayan tafsir surat al-Furqan qal sighatu al-tafdil qad tutlaq fi al-Qur'an wa fi al-lugha. Sighatu al-tafdil c'est cette formulation qu'on cite. Aqrab. Je dis maintenant fulan il est a'lam min fulan. Ça s'appelle sighatu al-tafdil. A'lam. Aqrab. أجمل فهذه الصيغة كثيرة في القرآن قال وفي اللغة مرادا بها قال وفي اللغة مرادا بها مطلق الاتصاف لا تفضل الشيء على شيء tu peux dire كذا il est plus que كذا ça veut pas dire que la chose elle est pas proche maintenant on dit أقرب الطوائف إلى الحق c'est أهل السنة ça veut pas dire que أهل السنة ils sont pas dans le حق Alors, ça ne veut pas dire que les autres groupes ils sont dans le haq eux aussi. Là, là. قال الإمام شنقيطي, on répète son كلام. قال مرادا بها مطلق الاتصاف لا تفضيل الشيء على شيء. مثلا حتى في اللغة. On dit مثلا الماء. Comme il cite بعض العلماء cet exemple. الماء أبرد من النار. L'eau. Elle est plus froide, elle est plus fraîche que le feu. Est-ce que ça veut dire que le feu, il y a une fraîcheur ou c'est froid? Abadan. Abadan. Je dis, Al-ma abarad minanna. Fa, il n'y a aucun i'tirad, aucun intiqad fi hala. Lakin al-qawm, vu qu'ils ont des agrad, ils veulent faire du mal, fa, hakada celui qui fait du mal. Hakada. Il s'oublie son nafs et une petite chose chez son frère. Robama il veut lui faire du mal. Ah, les anniyat, elles ne sont pas bonnes. La personne, il y a un tabé. C'est masa'il de din. La personne, il doit. Sa niya, c'est pour élever ce din. Pour s'entraider. Ala al-birri wa taqwa. Pas pour défendre sa propre personne, à offrir du mal à Fulan parce que tu ne l'aimes pas. Ah, bête. Aoutaq ala al-iman, qala Isa al-salam, al-hubbu billah wa al-bughdu fillah. Tout ça, ça doit être fillah, azza wa jalla. Lakin, hada. المنحرف إلى بغض شديد ثانيا وكنتني لأبغض الإمام الشنقيطي أن من أساليب اللغة العربية أنهم إذا أرادوا تخصيص شيء بالفضيلة دون غيره جاءوا بصيغة التفضيل يريدون بها خصوص ذلك الشيء بالفضل كذلك من أساليب اللغة ستأتي بهذه الصيغة صيغة التفضيل ستمضخك هؤلاء cette fadila, ce bien, il est que pour eux. Maintenant, on dit Aqrab al-Tawa'if. Et le groupe le plus proche de la vérité, c'est Ahl al-Sunnah. Ça ne veut pas dire que les autres aussi sont sur la vérité. Et ça ne veut pas dire que Ahl al-Sunnah, ils ne sont pas totalement dans la vérité. Là, ça veut dire qu'Abaqa al-Imam Shanqiti, Anna le haq, il est maqsous bi Ahl al-Sunnah. Ceux qui sont dans le haq, mahd, c'est le groupe de Ahl al-Sunnah. Amma les autres, voilà aussi ils ont du haq, ils ont. Du bâtil qui les agarre. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قال الجماعة أي tous les groupes ils se sont égarés sauf un أهل السنة et ces groupes égarés ça reste des مسلمون ils ont شيء من الحق لكن ils se sont égarés avec le bâtil qu'ils ont eu أما أهل السنة لا نحن on parle du groupe أما الأفراد Un sunni, il peut avoir des erreurs, il peut s'écarter du haq dans certaines choses. Lakin le kalam al-an, il est fi al-jama'a. Le groupe d'Ahl al-Sunnah, il est à la haq. La shak wa la raib fi hada. Kadhalik, on appuie ce kalam qu'on a cité avec des kalams min Ahl al-ilm. لأن الآن الحاقد يفكر que الشيخ يحيى يسيغاري بهذا la preuve c'est qu'il l'a cité من الأصول أي les fondements que الشيخ يحيى il a خالف الآن nous on va lui citer des كلام أهل العلم ils ont dit exactement la même phrase que الشيخ يحيى لماذا لا ينتقد الهوى les passions قالت اللجنة الدائمة برئاسة الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله. أقرب الجماعات الإسلامية إلى الحق وأحرصها على تطبيقه أهل السنة. ها نفس الكلام. أقرب أي le groupe le plus proche وأحرصها على تطبيقه et qui applique le plus c'est أهل السنة. الآن son انتقاد qu'il a fait sur الشيخ فله sur اللجنة الدائمة. لأنهم ils ont pas dit أهل السنة c'est أهل الحق, ils ont dit c'est أقرب. Alors que الشيخ il a montré au départ. Il a montré au départ le calame qu'on a cité. Alladhi ya'taqidu anna ahl as-sunnah hum ahl al-haq. Ma'a hadha la. La. Ba'd an-nas yifal montrer annaha anna cette chose c'est une erreur. Qala al-imam al-sheikh Mohammed ibn Salih al-Uzaymin fi sharh al-wasitiyya qala innama kana ittiba'u sabilihim ay as-salaf min manhaj ahl as-sunnah wal-jama'ah li'annahum aqrab إلى الصواب والحق ممن بعده أقرب إلى دي إلى بادي سئو أهل الحق إلى دي أقرب لا ميم كلام كالشيخ لا ميم فعل أقرب أقرب لكن الشيخ إلى دي أقرب سيد لقامه لزود صواب إذا أقرب سيد صواب بأي عقل ودين هذا. وقال الشيخ العثيمين نطق كلام و كلام شيخ العثيمين الأول ونادي الشرح الواسطية هذا شريط لقاء مع فضيلة الشيخ العلامة ربيع وفقه الله انكسيت يناسي الشيخ العثيمين الشيخ ربيع فسو كلام كالشيخ العثيمين الذي الشيخ ربيع اللي انتدو إلا بانتقد إلا بادي يا الشيخ العثيمين جيت تخوبي دي با ستو كلمة أبدا pourtant dans ce cassette الشيخ ربيع حفظه الله ينتقد على الشيخ العثيمين يمطر أن لابد من الردود لابد دو ريبوند او إخوان او تبليغ لابد دو متر غارد كونتر لي زينوفاتور اي مونتر سا ا شيخ العثيمين فسي سو كلام كون فاسيتي شيخ العثيمين سا سري اون ايرور الشيخ ربيع لو انتقد سا الظن الحسن به. قال شيخ العثيمين ولا شك ان اقرب الناس الى الصواب اهل الحديث. الشيخ العثيمين لا رانفورسي بقوله لا شك يا اوكان دوت فسي ان دوت سي اون ايرور فمونتري او جون montrer aux gens que ce calame il est faux, il y en a cette cassette, elle a répondu. Qu'a-t-il mené à Nas, il l'écoute. Hada. Kedalik, ça implique que Sheikh Rabi, il est d'accord avec Hada al-Kalam. S'il n'est pas d'accord, il aurait montré là, c'est un khata. Falimada al-intiqad al-Sheikh faqat. C'est ça qu'on veut, nous, en tant que talabat al-Sheikh, ou al-Iyadu Billah, on n'est pas des sauvis. Abadan. On n'est pas des shi'a, on n'est pas des les personnes qui suivent aveuglément. Abadan. Nous, on veut répondre sur Sheikh, réplique tant que c'est haq. Et là, on prendra ce kalam si c'est haq. Lakin soit juste et répond aux autres. Les Anna, le but, c'est que si on répond à Sheikh, c'est pour pas que les personnes ils s'égarent. Les Anna, c'est une personne qui est écoutée. Enfin, Sheikh Ibn Adamin, il est encore plus écouté que Sheikh Yahya. اللجنة الدائمة كذلك لماذا cette injustice. والشيخ حفظه الله il a écrit une رسالة في هذا لطف الخالق معروفة منشورة. Il avait répondu à ceux qui l'avaient accusé de هذا. Il avait répondu dans une رسالة. Et ce calame qu'on a cité, ça fait partie de cette rissa-là. Il a cité le calame des savants, il a montré la règle en arabe, « Anna aqrab » comme il a dit à l'imam Shanqiti. Et « Walillahi alhamdu wal minna » Tambihun, kadhalik, cette mas'ala, elle était à l'époque de Abul Hassan, Fitnat Abul Hassan. Il y a 10 ans, taqriban. L'imad, elle sort 8 ans après, 9 ans après, 10 ans après l'imad. Abul Hassan, il avait reproché à Sheikh Yahya. Personne n'a parlé. Personne n'a dit, normalement, la justice... Mais l'Arafat, il aurait dit Abul Hassan, il a raison, Fihad. La justice. Lakin, il s'est tué. Tout mal un, vu que Sheikh Yahya, il a répondu, il a répliqué sur son shir ou sur lui, il répond. Haoula, ils ont une qaïda. Si tu parles sur moi, je parle sur toi. Si tu tais, je me tais. Ça, c'est pas d'din. الدين سي الدين النصيحة الدين سي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الدين سي قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى فسدي أما تتجمت سي تتير جتير سي كوا هذا الدين فالآن ils doivent nous expliquer لماذا pendant 10 ans ils se sont tués. ربما il y avait des élèves chez Sheikh Yahya. Ils sont morts, ils n'ont pas entendu cette réplique que vous avez faite. Enfin, ils n'ont pas pu, vous leur avez pas montré la vérité. Obama, il y a des élèves, ils ont voyagé. Obama, il y a des élèves, Manadri, ils sont où. Enfin, pourquoi vous les laissez s'égarer. Normalement, il y a un khata montre. Lakin, celui qui ne montre pas, c'est qu'il a une faiblesse. Même il n'est pas à la haqq, même il a des doutes. Enfin, il attend, en Rubama, il y a du monde qui parle, et il parle. Hada. Al mas'ala al-rabi'a. Quatrième mas'ala. مسألة إبليس وفرعون دعوا إلى توحيد الربوبية وهذه من عجائب الأمور إبليس وفرعون دعوا إلى توحيد الربوبية يغبخش هذا الشيخ دابور دي سيت بارول أن إبليس الشيطان اللعين وفرعون عليه لعنة الله إذو أبلي التوحيد الربوبية قال عرفات الأصل الثامن تأمل إلى سيتي دان لي فوندمون que الشيخ يحيى إلى خالف أي إلى ديليسي إلى كونتخودي أي لي فوندمون دو لا سنة قال زعمه أن إبليس وفرعون والمشركين دعوا إلى توحيد الربوبية هذا كلام عرفات زعمه أي الشيخ بخطو أن إبليس فرعون المشركون عموما les associateurs les polythéistes ils ont appelé à توحيد الربوبية توحيد الربوبية أولا معروف عندكم عند الجميع on l'a expliqué plusieurs fois dans les دروس توحيد الربوبية أي الاعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المالك المحيي المميت وحده لا شريك له أي توحيد الله سبحانه وتعالى في أفعاله C'est ça توحيد الربوبية وهذا كما تعلمون الكفار اللي غوكونس ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله هكذا قال عز وجل Si tu leur demandes qui c'est qui a créé les cieux et la terre ils diront Allah فالكفار يغوكونس هذا لكن هنا قال إبليس وفرعون دعوا إلى توحيد الربوبية هنا c'est pas une reconnaissance là c'est ils ont appelé ils ont fait دعوة à توحيد الربوبية قال الشيخ يحيى أعزه الله نعم توحيد الربوبية قد دعا إليه فرعون والمشركون اختصر الكلام وقد قال هذا صاحب فتح المجيد وقاله جميع أهل السنة أن توحيد الربوبية دعا إليه المشركون ما كانوا يجهلونه الأدلة على ذلك كثيرة أنهم كانوا يدعون إلى توحيد الربوبية فالشيخ الذي هذا الكلام قال لكن أنت تدوى صفوة أن هذا سيسبق لسان سيسبق الشيخ يتخوبي في التعبير أما الصغار طلبة العلم يساب أن الصواب سك إبليس وفرعون يزون غوكوني يزون با أبولي يزون با في الدعوة لكن يزون غوكوني وإمام كتوحيد الربوبية كستاء الله سبحانه وتعالى الرب المحيي المميت قد يقول قائل Tu laisses pas le kalam à la zahir. Pourquoi tu dis Cheikh il a voulu? Là, Cheikh il a dit Daou, ils ont appelé. Nakoul, awalan, Arafat, à son habitude, il a coupé le kalam. Lianna Cheikh, après ce kalam, il a dit قال الشيخ حفظه الله توحيد الربوبية أقر به المشركون. Il a dit أقر après. Ça prouve. Que الآن on a deux كلمات إما الشيخ il a dit أقر il l'a dit إما il a dit دعا et il l'a dit فالآن celui qui est sincère il veut la vérité il demande à الشيخ يا شيخ dans ta كلام tu dis ils ont appelé ils ont reconnu c'est quoi que tu veux فقال الشيخ يحيى حفظه الله ils lui ont demandé قال إذا كنت قلت دعا فلفظة دعا سبق لسان الشيخ il dit si j'ai dit ils ont appelé là C'est sabq lisan, j'ai jamais voulu dire ça. T'as l'insan, il n'est pas ma'soum. Nous, comme des dorons sont faits, comme on se trompe, fait ta'bir. On veut dire une chose en pensant, tu dis une autre chose. T'es un être humain. Khasat al-an, Cheikh, il montre, là, j'ai pas voulu dire ça. Qala wa sawab fi ta'bir aqar. Cheikh, il te dit, as-sawab, ce qui est juste, c'est qu'ils ont reconnu. Qala wa hada al-qawl min kalam ahl al-ilm kathir. Hada wadih. Khasat al-an, autre chose qui appuie à ça. أن الشيخ يحيى قال dans son كلام وقال هذا صاحب فتح المجيد الشيخ يدي أن صاحب فتح المجيد أي الشيخ عبد الرحمن رحمه الله il a dit ce كلام et dans فتح المجيد ceux qui l'ont étudié الشيخ عبد الرحمن il montre أن المشركين وإبليس وفرعون ils ont reconnu توحيد الربوبية الشيخ عبد الرحمن لا jamais dit ils ont appelé فالشيخ الآن il te dit عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن بن حسن il a dit هذا الكلام لا شك سامونتخ أن الشيخ il est d'accord avec ce كلام بل الشيخ il a dit جميع أهل السنة أهل السنة ils disent que فرعون وإبليس والمشركون ils reconnaissent توحيد الربوبية tout ça vous montre أن الشيخ ce كلام c'est un سبق لسان كذلك Pourquoi Arafat il a pas cité la fin? Pourquoi il s'est arrêté? Pourquoi il a pas cité qawl al-shaykh wal mushrikoun aqarru bi tawhid rububiyya? Limada? Lianna lui son qasd c'est de laisser que ce kalam hatta t'as l'impression que le shaykh il khalif tout. Tout à l'sunnah. Anahu il dit, il ose dire que Fir'aoun wa Iblis wal mushrikoun ils ont appelé à tawhid rububiyya. Qu'est-ce qu'ils vont dire après le bayan de Cheikh? Et ils le savent. Ce bayan, il a été fait il y a longtemps. Le Cheikh l'a dit, c'est le sabq l'islam. Comme min al-ulama. Comme min al-ulama, sabq l'islam. Tu trouves dans leur kitab, sabq l'islam. Une kalam, la Cheikh, ils n'ont pas voulu la dire. Khassatan les audios, ma'rouf, c'est pas comme un livre. Un livre, t'écris, tu te fais corriger, tu relis. Ma'rouf. Amma, une cassette, maintenant, nous, l'an, on parle. Rubama, à la fin, si on écoute la cassette, il y a une kalima. On dit là, sabq lisan. Khassatan la personne, le dars il est long, il parle beaucoup. Yahsou là. Lakin le qawm, une erreur, sabq lisan. Yaqul Allah Azza wa Jalla, Rabbana, la tu'akhidna in nasina ou akhta'na. Allah subhanahu wa ta'ala, il prend pas en compte le serviteur s'il se trompe ou il oublie. Al-an, Cheikh, il te dit, je me suis trompé. J'ai jamais voulu dire ça. Et après, les enfants, Rubama, ils connaissent ça, Hadil Massal. Anna al-Kuffar, ils reconnaissent, ils n'ont pas appelé. Avec tout ça, ils le citent dans les fondements qu'il a khal. Alors que c'est ça, et ils le disent, c'est sabq lisan. Lakin là, عند القوم التوبة elle n'est pas acceptée. L'erreur, elle n'est pas pardonnée. Ça, c'est min manhaj ahl sunnah wal jama'ah. Abad. J'ai vu le hadith. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا il était dans le désert, قصة معروفة, et il a perdu sa monture. Sa monture elle est partie, il y avait sa nourriture et sa boisson. Il s'est allongé sous un arbre et il attendait la mort. Carrément, au milieu du désert, sa nourriture elle est sur sa monture avec l'eau, elle est partie, خلاص. Il va aller où? Plus de monture, plus de nourriture, plus de boisson. Il s'est allongé, il attend la mort. Il se réveille, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a facilité sa monture, elle est à côté de lui. Tellement qu'il était heureux, il a dit, Ya Rab, anta abdi wa ana rabbuk. Mais est-ce qu'il a été pris en compte cette personne? Abadan. Il a dit ce qu'elle aime tellement qu'il était heureux. Il a dit Allah, c'est toi mon serviteur et c'est moi ton créateur. Ala qa'idat Arafat, tu dois kaffar cette personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a excusé. Il a dit qala hada min shiddat al-farah. Ça arrive, hada. Ça arrive, la personne il dit une kalima et il fait pas attention, il n'est pas pris en compte. La personne il est pris en compte quand il dit une parole et il croit cette parole. Hada. فحزبنا الله ونعم الوكيل كذلك on n'oublie pas de citer cette chose. Anna ce kalam que Cheikh il a dit, à un moment il a cité un dalil pour appuyer son qawl. Il a cité quoi comme dalil? قول الله عز وجل ولا إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. Dans son kalam, Cheikh il s'est appuyé sur un dalil. Si tu leur demandes qui c'est qui les a créés, ils diront Allah. Enfin, ça montre bien que son qasd c'était ils reconnaissent. Il y en a le dalil, il ne s'est pas cité, ils ont appelé. Là, ils reconnaissent. Hada c'est wadih. Hada c'est wadih. Lakin, nous le cite pour vous montrer hiqd hada ar-rajul. Arafat et ceux qui le suivent. Wallahi, lui-même, ma'adhan, lui-même, il sait que la mas'ala est wadih. Il sait, sauf s'il a perdu son aql. Il sait, c'est wadih. Lakin, on ne sait jamais. Peut-être que بعض الناس ils le suivront à la hada. Al masala al khamisa. Wa hiya muhimma kadhalik an al hajuri yat'an fi kutub al aqida. Wa hadha kadhalik min ajaib haula. Hal rajul al shaykh Yahya hafidahullah. Combien de kutub d'aqida il a étudié? Combien il a enseigné? Combien il a écrit? Combien il a haqqaq? Combien il a expliqué? Tu trouves ha'oula? Yaqulun yat'an fi kutub l'aqida. Wat'an fi kutub l'aqida, c'est du kuf. Celui qui critique les livres d'aqida, c'est du kuf. Léana, cette aqida, elle est fondée sur le Coran et le Sunnah. Parce que cette personne, il critique kutub l'aqida. Et ta'ammal, annahum, ils emploient des mots fi kutub. Aïe, au pluriel. Maintenant, tu lis ce kalam, tu comprends al-rajul yat'an fi al-wasitiyya, fi al-hamawiyya, fi al-tahawiyya, fi al-tadmouriyya, fi al-sharh ibn Abi al-Izz, fi kada, tu comprends ça. Qala hanibrik, hada sa واحد من هؤلاء الحاقدين الحاسدين قال يتكلم أو يتكلمون في كتب العقائد أنها كتب جافة سيأتي كتب جفاف ça c'est pas كلام الشيخ الآن lui il va citer كلام محمد سرور زين العابدين المنحرف et il va citer كلام سلمان العودة الضال الزائر ثم il va citer كلام الشيخ pour faire une comparaison أنه c'est le même كلام فانتبه قال يتكلمون في كتب العقائد أنها كتب جافة وكتب نصوص وأحكام تقص القلوب أي سليف Si tu les lis, les livres de Aqidah, Aqidah Salafiyya, ça endurcit les cœurs. Ça c'est kalam ba'd an-nas, c'est pas kalam al-shaykh pour l'instant, d'après lui. قال ومنهم من يقول لا إله إلا الله شروط لا إله إلا الله هذه في عشرة دقائق. Ça c'est kalam Salman al-Aouda. حتى كلام سلمان العودة il n'a pas cité بالنص. Et on a déjà dit, il y a un bari fi naqd. Dès que tu reproches à quelqu'un une parole, tu cites sa parole بالنص. Cite pas lui à peu près. Il y en a où il peut te dire, là, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit plutôt ça, là. Lakin, le qawm, ils sont pas mundabit bihada. Yarjumun. Qala, wal'an, il a cité kalam de ses égarés, Mohamed Sourour et Salman. Thumma l'an, il va citer kalam al-shikh pour essayer de comparer. Qala, wal'an, ma ashbah al-layla bil-bariha. Nasma' man yakoul ala mimbar al-sunnah. Il vise Cheikh Yahya. Qala, at-tuhaf. التحف j'ai اختصر le كلام une phrase elle était longue j'ai اختصر حتى on cite يعني c'est quoi cette reproche قال التحف هذا ستقرأها في عشر دقائق c'est ça كلام الشيخ التحف c'est une رسالة que l'imam الشوكاني il a écrit التحف في مذهب السلف une petite رسالة pour les débutants dans العقيدة et il cite des points في العقيدة quelques pages 10 pages 5 pages هكذا une petite risale quel أصول الثلاثة فالشيخ قال التحف هذا أي ce livre cette risale ستقرأها في 10 دقائق ce livre tu peux le lire en 10 minutes ce cœur malade il a compris il n'aime pas les livres de عقيدة أنا ما أدري comment faire واحد الآن il me demande مثلاً j'ai envie de lire Usul al-Thalath. A ton avis, ça va me prendre combien de temps? Je lui dis, un quart d'heure. Il n'aime pas Tawhid. Est-ce que le kalam est mustaqim l'an? Alors, ta'ammal le premier kalam, qu'est-ce qu'ils disent? Kutub al-Aqidah, kutub jaffa. Tuqassil qulub. Awalan, le premier kalam, il a fait un umum. Il a dit kutub al-Aqidah. Et tous les livres d'Aqidah, elles durcissent les cœurs. Cheikh, il parle d'un livre, tuhaf. Deuxièmement, Cheikh, il n'a pas parlé d'Al-Jursi les cœurs ou pas là, il a dit tu la lis en 10 minutes. Sahih. Maintenant, je te dis, tu me dis Al-Fatiha. Combien de temps je la récite? Je te dis pas 10 minutes, je te dis 30 secondes. Ça veut dire que j'aime pas le Fatiha. Tu la lis en 30 secondes, je ne veux pas faire du rouleau, je te dis tu vas la lire en une semaine. Zawadi hadal kalam. Lakin, ma'anadri. Al-Adib, c'est pas Haoula, Haoula ils ont le cœur malade. Al-Adib, c'est Ba'd Ahl al-Khayr, ils les suivent. هذا سساكي عجيب أما هذا سحاقد حاقد هو يفع جمال فيرجم بهذا الكلام لبيغ سكي لدي الآن يبقى ستر الكلام دو الشيخ بن باز قال وهي في إيش في العقيدة الآن إلى ستر الكلام التحف تقرأ في عشر دقائق دو الشيخ اللي يكونكلي كوا التحف ساليف دو عقيدة دو Cheikh Yahya il est en train de critiquer les livres de Aqid. On lui dit pas les livres, on lui dit un. Awalan, et on lui dit il n'y a aucune critique. Il a dit en 10 minutes. Il ne va pas dire en 4 heures alors que tu vas la lire en 10 minutes. Qala. ولهذا قال أهل العلم هذه الكلمة شبيهها بكلمة من قال لا إله إلا الله في 10 دقائق. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit c'est pour ça que les savants ils ont montré que ce kalam Aïd al-Shir il ressemble au premier kalam. C'est qui ces savants? قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Pas fait mais les savants c'est lui et ceux qui suivent aveuglément. Alors lui fait apparaître le kalam Ahl al-Ilm. Et tous les savants, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh Al-Islam, Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh Al-Imam Ibn Qayyim, Fulan, tous ils ont dit ça. Et il serait sadiq, il aurait cité ces kalam. قال تقليل اختصر الكلام قال تقليل من شأن العقيدة il conclut الآن أن cette parole de Cheikh Yahya c'est un rabaissement de la croyance du musulman قال هذا أمر خطير c'est très grave il prétend هذا. قال لهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما سئل عن هذا القائل الذي قال 10 دقائق تعلم لا اله الا الله وكتب العقيده كتب جفاف قال هذه رده كبيره صح. الان الكلام الغراب لماذا هو يفابغتخ الان ان son approche, il a cité Kalam Mohamed Sourou avec Kutub al-Aqidah al-Jukhsi le cœur. Thumma il a cité Kalam al-Salman en Kutub al-Aqidah ou le Tawhid, tu l'apprends 10 minutes. Thumma il cite Kalam al-Sheikh en Tuhaf, tu l'as lis en 10 minutes. Vous suivez l'an? L'an il a fait un rapprochement entre Kalam al-Sheikh et Kalam Ha'oula. Thumma il cite le hukm, le jugement en Sheikh ibn Baz, il a dit ça c'est de la ridda, tu sors de l'islam. الآن هو avec son kalam ça implique que الشيخ sort de l'islam. الآن si on fait une comparaison, أولا الشيخ يحيى il a dit tu l'as lu en 10 minutes, il a jamais parlé. أما سلمان c'est quoi qu'il a parlé de 10 minutes? C'est عقيدة التوحيد. Toute la عقيدة التوحيد 10 minutes ça suffit pour l'apprendre, pour comprendre. الشيخ يحيى il parle pas d'apprentissage ou de compréhension, il parle de lecture. مثلا الفاتحة tu l'as lu en combien de temps مثلا? Une minute, 40 secondes, 30 secondes, on va dire une minute. Est-ce que l'explication, il faut une minute? L'explication de Fatiha, Rubama, elle te prend des heures. Rubama, si tu viens à l'expliquer en des livres, des volumes. L'Al-Fatiha, c'est tout l'essence du Coran. Il y a une différence entre lecture et compréhension ou étude. Deuxièmement, le hukm de Sheikh Ibn Baz, il n'est pas sur Salman. Ceux qui connaissent l'histoire, ils le savent. Hukm Sheikh Ibn Baz, il est sur Mohamed Sourou. Hukm Sheikh Ibn Baz, il n'est pas sur Salman qui a dit « T'apprends le tawhid, la ilaha illallah en 10 minutes. » Là, Hukm Sheikh Ibn Baz, c'est de la ridda, ça fait sortir de l'islam, c'est qu'à la Mohamed Sourou, les livres de Aqidah, ça endurcit les cœurs. C'est un ta'an fil Qur'an ou fil sunnah, et c'est un ta'an fil kutub al-Aqidah. Ça fait sortir la personne de l'islam. Al-An, il a cité le hukm de Sheikh Ibn Baz sur Sheikh Mohamed Sourour et Salman Al-Aouda. Et Sheikh Yahya, il suit. Hada, c'est min al-dhulm. Sheikh Ibn Baz, il n'a jamais dit ça. Abadan. Kalam. Sheikh Saïd, Da'as, Rahmatullah alayhi, a écrit une risala via Hada. Il a montré un Hussein Kha'en, Hani Hada. Et il a détaillé يعني, ce que je vous ai cité أنا, il l'a détaillé فتراجع تلك الرسالة أما tout lire ça prendrait du temps هذا أنا صلى الله سبحانه وتعالى أن ينصر الحق وأهله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت demain بإذن الله c'est le dernier درس